nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les films tournés en décor naturel n'ont rien de rare. Les films tournés sur les lieux mêmes d'une histoire vraie non plus. Après tout, il est normal de montrer à l'écran les décors d'une action, la lumière de la région. Faire appel à des acteurs non professionnels est déjà plus original. C'est ce qu'avait voulu René Alliot pour mettre en scène « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ». Le film terminé, la première projection eut évidemment lieu sur les lieux du tournage. Réaction des paysans acteurs, souvenirs du tournage, mais aussi débat sur la folie de Pierre, sur une certaine tolérance au crime lors des siècles passés. Paul Ajac enquêtait le 9 novembre 1976 pour les après-midi de France Culture. À Flair, on viendra trois jours. Oui. En novembre à Flair. Ah oui, vous deveniez plus longtemps. Hein. Bon. Même pour le temps de se voir, notre homme. Comment il a trouvé ? Hein ? Comment il a trouvé ? Oh, très bien, très bien. Épatant, oui. Il nous a plu. Bon. Moi, je ne parlais pas du film, hein, je parlais de lui. Je parlais de ton mari. Je parle du film. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur, mon frère, Paul Ajac, éclairez-nous, c'est un film, mais c'est avant tout un fait divers. Et pourquoi ce village de Normandie a été choisi par vous pour cette enquête, reportage et présentation, en somme, du film par les propres intéressés eux-mêmes? C'est ça, parce que j'ai eu la chance d'assister à la première projection du film aux acteurs, aux interprètes, qui sont des paysans, des ruraux, qui appartiennent à la commune de Flers et aux alentours. Et René Alliot a tourné son film, comme vous dites, qui est un fait divers, mais qui est aussi un fait maintenant historique, c'est-à-dire que Michel Foucault et son équipe ont retrouvé il y a quelque temps le manuscrit de Pierre Rivière, qui est un jeune parisien de 18 ans, un paysan, dit-on, illettré, qui a égorgé sa mère, sa sœur, son frère, pour des tas de raisons que l'on va découvrir, mais c'est une histoire paysanne, et René Alliot a eu l'idée de génie, je crois la seule en l'occurrence, de faire tenir les rôles principaux aux véritables paysans, ce qui fait que l'on assiste à un film où il y a un ton de vérité et de justesse tout à fait remarquable. Des paysans d'aujourd'hui pour un fait divers d'autrefois. Pour un fait divers d'autrefois, et comme le dit Michel Foucault, les personnages sont presque les mêmes. Près de 150 ans d'écart, ce sont les mêmes. Ça se passait donc à Tis, une petite ville, où l'on projetait pour la première fois le film de René Alliot au spectateur-acteur. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. Pierre Rivière a 12 ans. On répétait pas mal de fois avant de tourner et de jouer. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais juste joué une scène d'école. Ben, à la fin de la journée, j'étais complètement fatigué, surtout que c'était dans une pièce qui faisait très très chaud. Alors, c'est une bonne expérience d'avoir fait ce film-là. Parce qu'on savait pas trop comment que c'était vraiment de faire un film. On voyait un film, mais on voyait pas du tout l'arrière, comment que c'était. Puis là, ça nous a donné vraiment une idée de ce que c'était. Exactement. J'ai été témoin de la plus grande partie de ces faits et qui sont écrits sur la fin de cette histoire. Pour ce qui est du commencement, je l'ai entendu raconter à mon père. Après cela, je dirais comment je me suis résolu à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Quand nous avons découvert ce dossier Rivière, il y a maintenant 5 ou 6 ans au moins, nous avons été très impressionnés. C'est un véritable choc à lire cela, à lire le dossier bien sûr, mais surtout le mémoire de Rivière. Et l'idée nous est venue d'abord de le commenter. Mais comme le commentaire était littéralement impossible, que la beauté du texte en quelque sorte excluait toute interprétation, toute analyse de l'intérieur, on a finalement décidé de le publier comme ça. Et de le publier un peu comme défi, en tout cas comme question, à nos contemporains. Et si un écrivain, ou du moins un auteur, n'avait pas retrouvé ça aux archives du Calvados, c'est ça l'a touché qu'il a écrit un livre, jamais ça n'aurait sorti des archives. Je peux vous en trouver tout à travers le canton d'Otis qui sont jamais sortis, qui mériteraient peut-être un montage, vous savez. Je dirais aussi quelle était la vie que je menais parmi le monde. Je Je dirai ce qui se passa à moi après avoir fait cette action, la vie que je menais, les endroits par où j'ai été, depuis le crime jusqu'à mon arrestation, et quelles furent les résolutions que je pris. Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, car je ne sais que lire et écrire. Mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande. Et j'ai tout écrit du mieux que je puis. Les gens de 1836, devant l'affaire Rivière, n'ont pu au fond que se taire. On en a un peu parlé dans les journaux, les médecins ont donné un avis, mais jamais l'affaire Rivière n'a été littéralement, n'a été véritablement reprise, commentée, analysée. Pour les gens de l'époque, ça a été une énigme qui s'est refermée sur elle-même. Eh bien, on a essayé de relancer l'énigme et de dire à qui voulait se mesurer à Rivière, à vous de dire ce que vous voulez, à vous de faire ce que vous voulez. Nous le disions aux psychiatres, aux médecins, aux psychanalystes, nous le disions éventuellement aux cinéastes, aux... Malgré les recherches faites dans le pays du nommé Rivière, ce coupable n'a pas pu être mis sous la main de la justice. Il se sera probablement réfugié dans les bois qui environnent au Nef, d'où le besoin le fera sortir et il ne peut manquer d'être arrêté au premier moment. Je trouve que c'est ça un truc, une chose importante dans le film d'Alio, c'est qu'il aurait pu prendre l'affaire et en quelque sorte la déporter, la transporter vers le cinéma ou vers une espèce de fiction. Et il s'est servi au contraire de la fiction cinématographique, enfin disons de l'artifice cinématographique, il s'en est servi pour restituer l'histoire à son point de départ et au lieu d'où elle était sortie, puisqu'il a tourné le film sur les places, même, enfin, dans, tout à fait dans la région où l'affaire s'était passée, il a fait jouer par des acteurs qui étaient, mutatis mutandis, les personnages mêmes de l'affaire. Jeanne Bouquerel. Et je travaille à la maison sur une petite ferme de 2 hectares. Et mon mari travaille en usine. J'étais la première sollicitée avec mon père. Et puis j'ai été avec monsieur Alliot pour trouver monsieur Gaëri pour avoir la ferme. Enfin, à mon avis, au départ, les gens étaient un petit peu réticents. Moi, j'ai reçu des coups de téléphone à la maison me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là que tu m'as envoyé ?» Alors moi, je répondais toujours « Mais ne vous inquiétez pas, s'ils veulent faire un film, c'est le situé dans la paysannerie, dans les lieux actuels. » On a pu tourner là dans ces lieux-là qui étaient vraiment typiques normands. C'était intéressant. Parce que j'ai eu aussi l'impression, et ma fille qui était là, m'a dit, ben, tu sais maman, il est bien parce qu'il est vraiment tourné dans la nature, ça change de tous les décors superficiels qu'on voit. D'un autre côté, j'ai vu aussi que les gens ont été quand même intéressés parce que vous n'avez entendu personne de faire de réflexion. Mais non, là on a eu tous cette impression de suivre vraiment le film tel qu'il était. René Alliot, je voudrais d'abord que vous me parliez de la façon dont vous avez travaillé avec ces paysans, parce que je n'ai jamais vu une interprétation aussi rare, aussi juste, aussi belle. Nous avons travaillé tous ensemble, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir fait travailler les gens dans le travail d'interprétation comme ça, en téléguidant des choses ou en les manipulant. Moi, je venais chercher des paysans parce que pour rendre la parole à Rivière, petit paysan qui l'avait prise et qui s'était exprimé en grand écrivain, pour la lui rendre, et en la lui rendant, parler de la vie paysanne, montrer les hommes et les femmes qu'il décrit dans la vie de tous les jours, dans ces scènes qui se passent toujours au moment des gestes du travail, dans les lieux du travail, les travaux et les jours, les maladies, les morts. Je crois que je n'aurais pas rendu la parole à Rivière vraiment si je ne l'avais pas demandé à ceux-là de nous la prêter pour nous exprimer et pour qu'ils s'expriment aussi à travers Rivière. Et alors donc on avait ça en commun, c'était un amour de la chose paysanne, eux parce qu'ils étaient sensibles au fait que pour faire un film dont c'était le sujet fondamental finalement, le l'humus, ben c'est à eux qu'on venait le demander. Et que c'était pas un peu en voleur qu'on venait comme ça pour prendre quelque chose, qu'on leur aurait pris à leur insu comme ça, nous extérieurs et eux un peu comme les autochtones ou les sauvages. Mais ce que je leur ai demandé, c'est un travail artistique, c'est un acte de création vraiment. Et je n'ai pas travaillé autrement avec eux que j'aurais travaillé avec des acteurs professionnels avec qui j'aurais monté un Shakespeare et qui auraient eu à interpréter, à créer des personnages, à les faire exister. Moi, j'ai remarqué que dans... dans les gens qui ont tourné. Ils ont beaucoup discuté sur le fait des capacités des gens finalement de pouvoir tourner un film, de pouvoir faire un acteur et tout, mais pas tellement sur le contenu du fait du film qu'ils ont tourné. Ça c'est. Tu vois aussi, on parlait des cinéastes, tu vois dans le bled. Finalement, c'est pas tellement le film qui était en question. C'est bon, mais il y a les gens du cinéma qui sont passés, qui ont demandé telle ou telle chose. Quoi. C'est pas le finalement le sujet du film, c'est venu après, je crois. René Alliot, vous savez mieux que personne, la machine cinéma n'est pas du tout une machine innocente. Est-ce que vous savez quel effet cela a sur la commune ici, sur les gens? Est-ce que ça a un effet? Un des effets que je crois indéniable, c'est d'avoir montré à ceux qui faisaient le film que faire du cinéma, c'est pas l'affaire de gens exceptionnels, rares, différents de nous, mais que l'imagination, par exemple, qu'on doit mettre en œuvre pour jouer, pour inventer, pour être artiste, ben elle est un trésor commun à chacun de nous. Elle existe dans chaque individu, mais aujourd'hui, elle est considérablement chloroformée. Vous faites le grand-père, monsieur, je crois. Ah non, pas moi, c'est pas moi. Non. Il vous ressemble. Ah ben oui, mais il a les moustaches plus longues. C'est mon ancien voisin, quand même. Mon grand-père. Je le connais très bien, lui, le grand-père. Je l'ai connu hier, mais je... Oui, le père Bisson, oui. Robert Descamps, il est là. Robert Descamps aussi, il était là tout à l'heure. Oui, oui. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. C'était oui. Bien. Je peux pas dire. Moi je viendrai le voir. Hein. On est trop dedans. C'est oui. La première fois que vous le voyez en entier. Oui. Et on a vu que les rushs auparavant. Mais quel effet ça vous a fait de vous voir là? Ben c'est-à-dire que là le voir là, ça m'a pas fait. C'est l'enchaînement qui est surprenant. Qui est surprenant. Et puis ce qui est intéressant, c'est la vie quotidienne qui est d'une rigueur exacte. Oui, pas exact, on a plus les moyens parce que la carriole n'était pas d'époque. Hein. Exactement, je crois qu'au détail près, ce qui se passait à cette époque-là. Oui, il y a des choses. Comme la carriole, la carriole n'est pas d'époque, et il n'y a pas de carriole bâchée là, ce temps-là, en 35. Faire ce travail ici, c'était faire qu'une communauté tout entière vive un travail artistique comme quelque chose qui va de soi et qui lui appartenait. C'est de ce point de vue, moi, que je trouve que le film est le plus intéressant politiquement. Car je ne pense pas, même si tant est que je l'ai un peu pensé un jour, qu'un film a un contenu politique ou idéologique parce que ce contenu est inscrit dans les dialogues ou parce qu'il raconte une histoire dont il va de soi qu'elle est politique. Je crois que ce qui fait l'aspect politique d'un film, c'est d'abord son faire, c'est d'abord comment il est fait. J'étais là sur ma porte. J'ai vu la fille Victoire Rivière, ma petite fille, que son frère tenait par les cheveux. Elle voulait sauver. Mon petit-fils avait une serpe qu'il tenait levée sur sa sœur. Je me suis approchée, j'ai crié, « Mais, malheureux, qu'est-ce que tu veux faire ?» Émilie Liou, la grand-mère paternelle. Jamais dans ma vie, jamais rien du tout, j'ai jamais rien joué. Jamais rien récité, jamais... Ça me plaît, oui, ça me plaisait. Et puis il y avait une bonne ambiance et on avait un très, très bon metteur en scène, très sympathique, très agréable et très... qu'il savait nous dire les sentiments qu'il fallait exprimer. Qu'est-ce qui vous a décidé à jouer dans le film? Parce qu'au début, je suppose, quand ils sont venus vous trouver... Eh bien, je trouvais que c'était une histoire un peu macabre. j'étais pas très emballée. Et puis alors au fur et à mesure, j'ai vu tout de même qu'on répétait un peu les coutumes d'autrefois et c'était pas mal. Quand j'ai lu l'histoire du film, que j'ai trouvé ce nom-là, le sieur Davout, procureur du roi. Ah, le sieur Davout, procureur du roi, j'habitais dans sa maison à Condé-sur-Noirmoutier. Le sien d'Abou, ça me revient, voyez-vous, chercher la plaque de cheminée, c'était dans une plaque en fonte, dans le fond de la cheminée, c'est écrit dessus, ça. Et c'était la maison de mes grands-parents. Alors voilà. On m'a dit que vous alliez continuer à faire du cinéma ou du théâtre, je ne sais pas. Oui, à la Comédie de Caen, raconter des histoires de la campagne. Oui. Alors vous allez partir comme ça, vous allez commencer une carrière théâtrale à votre âge? Oui, ça m'est égal parce que j'ai deux filles qui habitent Caen. Alors, c'est pas perdu là-bas, j'irai coucher chez mes filles. Mais ce qui me plaît, ben, c'est que je bouge, je remue, et puis je suis gay. J'aime bien être gay. Chose heureuse, sainte allégresse, où Dieu s'est fait ma nourriture. Jour heureux, sainte allégresse, faut-il te voir si tôt finir pour une âme innocente et pure. Jour heureux, jour d'allégresse, faut-il te voir si tôt finir, faut-il te voir si tôt finir, faut-il te voir si tôt finir, faut-il te voir si tôt finir. Au fond, dans tous mes films, je me suis attaché à remettre au premier rang un personnage qui est secondaire dans la plupart, dans l'histoire avec un grand H et dans les histoires qu'on nous raconte au cinéma, c'est l'homme et la femme du peuple, hein, qu'il ne fait dans l'histoire ou dans les films qu'une prestation obligée comme ça, où il a peu la parole, où il est là plutôt pour faire rire, où comme ça on le convoque pour jouer une scène de scénographie, puis on le renvoie à sa vie obscure et un peu morne comme ça, et qu'on ne juge pas digne d'être raconté. Et puis, il se dépense pas moins dans ses vies obscures d'énergie, de courage, d'imagination. Il ne se dépense pas moins de larmes ou de bonheur. Il existait tout de même une misère qui n'existe plus à l'heure actuelle, parce qu'en général, dans toute la campagne, vous savez, maintenant, le confort est arrivé. Enfin, tout de même, je ne sais pas. Tout est changé. Tout a changé par rapport à cette vie-là, quoi. On ne peut plus dire maintenant que, même par rapport à il y a 30 ans, j'ai connu la vie de travail à la main, j'ai connu tout ça. On ne la voit plus maintenant, on n'a plus ces difficultés-là. Très peu, du moins. Vu la proximité des gens et des usines surtout, il y a un rythme de vie qui est beaucoup plus rapide parce qu'on est poussé par la machine, si vous voulez. On n'a plus cette vie que nous avions de calme. Et qui aussi permettait de réfléchir. Maintenant, on ne réfléchit plus. Maintenant, on est mené par la machine. Ce n'est plus. Même on ira encore plus loin. L'homme est beaucoup plus au service de la machine que la machine au service de l'homme, quoi, pour obtenir un rendement et surtout une rentabilité sur nos exploitations, quoi. Maintenant, je crois que, par exemple, dans la campagne, vous avez beaucoup moins de gens. Et à mon avis, l'homme devient l'esclave de sa machine, l'esclave de. Comme dans toutes les usines, comme dans tout ce qui est technique et moderne. Parce que quand on vivait autrefois, par exemple, sur une ferme de 25 ou 30 hectares, vous aviez 5 ou 6 personnes qui se reléguaient les unes aux autres à faire le travail. Et vous, moi, je me rappelle, étant jeune, on vivait en équipe. Si vous venez en équipe de cousins ou d'ouvriers, ensemble, on se trouvait trois ou quatre jeunes à faire, par exemple, les foins. Ben, vous savez, on chantait, on travaillait, mais on chantait. On faisait des journées assez longues, mais on chantait. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, un cultivateur qui commence sa journée à 10 h du matin, qui commence par traire ses vaches à la machine, ben j'ai l'impression qu'en fait, ils essayent de se retrouver maintenant par des groupements, mais dans leur ferme à eux, j'ai l'impression qu'ils sont isolés. Alors donc, il y avait un de ces personnages qui sont des personnages que j'aime, qui me touchent et dont j'ai envie de parler. Il ne s'agissait pas de prendre la parole pour lui, c'est lui qui l'avait prise. Et c'est lui qui avait pris la parole et comment qu'il l'avait prise avec cet extraordinaire talent. C'est un grand écrivain. Il passait pour idiot dans le village et même dans toute la paroisse, mais je ne le croyais pas tel. Je lui ai toujours attribué au contraire une aptitude pour la science et il avait une mémoire prodigieuse. Oui, c'est-à-dire, on sent quand même un gars, si vous voulez, qui se trouve débile. Le front est froid, nez moyen, visage ovale et plein, regard oblique, tête inclinée, des mâches saccadées, vêtu d'une blouse de toile bleue, d'une casquette et de bottines. Alors, Claude Hébert, je fais Pierre Rivière dans le film. Bon, Pierre Rivière qui est l'assassin dans le film, mais c'est pas la première chose que j'ai vue en lui. Et j'ai vu d'abord le type qui avait ses problèmes et qui, bon, il a mis fin Non, il n'a pas mis fin à ses problèmes, mais ça a été une conséquence de ses problèmes que de faire ce crime. Mais ce n'était pas d'abord ça. C'était... Enfin, je n'ai pas été contacté. Je venais de terminer mes études. J'avais passé 3 mois à la ferme, mais ça ne m'intéressait pas de poursuivre. Finalement, les travaux sont assez durs et autres. Et j'étais prêt à 18 ans à faire des expériences dans la vie. Et bon, je lisais les petites annonces et il s'est trouvé qu'on proposait pour un jeune homme de 18-20 ans... On proposait un rôle dans un film, un tournage, je ne savais pas de quoi il était question. Et bon, je me suis présenté à l'adresse indiquée. On m'a fait donc lire le mémoire de Pierre Rivière, qui m'a beaucoup plu et touché. Touché par le fait que moi aussi, il m'est arrivé d'écrire mon journal. Enfin, lui, il a écrit après l'action. Moi, il m'arrivait d'écrire mon journal à peu près chaque jour. Bon, il y avait ce fait de se débarrasser, se libérer de ses problèmes sur ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit lui-même est vraiment d'une qualité remarquable, d'une précision et tout ça, ça m'a énormément... Vous avez l'air de dire que vous avez pu vous identifier un petit peu à Pierre Rivière à cause de cette expérience d'écriture. Il y avait l'expérience d'écriture... de rapport aux gens aussi, de problèmes. Lui, son problème avec sa mère, c'est que bon, il n'y avait aucune relation vraie avec sa mère, sinon des relations d'hostilité. Et moi, ma mère est décédée à la suite d'un accident. Bon, tout le monde adolescence s'est passé sans mère et ça marque énormément. Et lui, ça l'a marqué énormément aussi. C'est un des faits importants de... film. Maintenant, j'éprouve moins le besoin d'écrire, bon, parce que ce film m'a aidé beaucoup à prendre la vie et à m'assumer, enfin, parce que j'ai été reconnu dans mon travail en tant que personne, et un respect profond du travail, enfin, dans toute l'équipe et tout ça. Ça a été un moment merveilleux que le tournage, où chacun était pris au sérieux, le respect du silence, le respect du travail de chaque et autres. Dans le commencement de 1815, ma mère accoucha de moi. Elle fut bien malade de cette couche. Mon père prit tous les soins qu'il fallait prendre envers elle. Il ne se coucha pas pendant 6 semaines. Et dans cette maladie de ma mère, les mamelles lui pourrirent. Alors, mon nom de femme mariée, Jacqueline Millière. Et puis, je suis mère de famille, j'élève mes enfants. Et c'est moi qui interprète la mère. Alors la mère était bon, d'accord, peut-être méchante, mais aussi elle s'est révoltée parce qu'elle, au premier abord, elle ne voulait pas du mariage. Alors, oui, c'est un mariage qui a été arrangé pour permettre à son mari donc, de ne pas partir à l'armée. Oui. Alors elle s'est mariée comme ça, poussée par ses parents un peu. Je pense que si elle ne l'aimait pas, elle n'avait pas envie d'avoir des rapports avec lui. Puis alors à chaque fois qu'elle le voyait, c'était pour lui faire des... Et il lui faisait des gosses à chaque fois. Elle pensait qu'elle était enceinte, elle a eu 6 gosses. Alors, elle devait bien en avoir marre aussi. Et elle était malade à chaque fois aussi. Malade. Alors, je crois que c'était important parce que des maladies qui duraient 3 ou 6 mois la première fois, non, 3 mois la première fois et 2 mois la seconde. Bon, bah après, ça pouvait continuer comme ça et puis elle pouvait en perdre la vie. Le problème de la mère, c'est que, bien sûr, c'est une femme avec une... assez hystérique, une combativité terrible, acariâtre, qui ne consent à rien, mais justement, avec cette extraordinaire combativité, c'est une révoltée. Elle le contraint, en effet, elle le refuse, elle le conteste, elle ne cesse de le contester jusqu'au bout. Alors nous en avons cette image, mais d'abord parce que ça devait être une image, c'était une femme terrible, elle avait cette image terrible, enfin bon, cet aspect terrible, il est le sous-produit de sa situation, hein, de sa personnalité aussi certes, mais complètement lié à sa situation, et de femme, et de femme liée à un bien, et bon. Et puis ensuite, je me suis fait... Pas ni un scrupule ni un devoir, mais c'était un choix vraiment, qui est aussi un choix artistique, de ne représenter dans le film que ce qui nous était donné comme document, qui nous était rapporté par les documents. Il n'y a pas une parole, il n'y a pas une réplique dans le film, il n'y a pas un geste, il n'y a pas des faits qui nous sont tirés des documents ou des témoignages ou des mémoires de Rivière. Alors, la mère, nous ne la connaissons pratiquement que par le témoignage de Rivière. Et bien évident que lui, il a pris parti dans le conflit, donc il nous l'a décrit à travers cette prise de parti. Oui, ben pour, parce que le fils était pour le père, et puis bon, mais t'as peut-être un petit peu du caractère du père, qui fait que bon, en général, un fils se porte vers son père un peu, surtout en agriculture. Hein. Il voulait partir de chez lui, hein. Ben, c'était la discorde. Alors les... C'est la question que le père et la mère, d'abord, elle n'aimait pas son mari, elle lui aimait sa femme, en principe. Et elle cherchait à lui faire la misère. Et le père était doux. Il était très mou, il était con. C'est mieux, faut le dire, quoi. Et bon, bah, elle s'est révoltée, finalement. C'est pas une entente dans le ménage, au départ, puis les enfants en souffrent. Je crois, hein, c'est pas arrivé. Parce qu'il y a maintenant, il n'y a plus de scène des ménages, parce que les gens se séparent, maintenant. Hein? Si vous voulez, l'image qu'on reçoit en voyant le film, c'est que cette femme est méchante. Or, c'est pas suffisant. Il y a certainement une autre explication, parce que la méchanceté, en soi, ça n'existe pas. C'est... Vous croyez que ça existe, la méchanceté? Il y en a sûrement qui naissent méchantes. Oui, mais après ça, la méchanceté avec. Parce que vous avez des rapiniers qui ne se bagarrent pas. Tandis que là, ils se bagarraient et ils étaient méchantes envers le père. Finalement, ce qui vous opposait à votre mari, c'était des histoires de partage, de sous. Le fait qu'une femme soit tellement attachée à son bien, c'était normal? Oui, dans un sens quand même, oui. Puis à ce moment-là, les biens, c'était quand même assez séparé. Puis c'était une femme qui était indépendante, hein. On le sentait dans le personnage, hein. Elle a certaines qualités pour vous, quand même. Ben, je pense, oui. Elle savait ce qu'elle voulait. Laisse passer, ouvre ta porte, ouvre-la comme je le veux. Exauce mes plus doux voeux, que tout entre et que rien ne sorte. Lise a ouvert au beau meunier, qui disait, mamie, je vous jure. Il a tout mis dans son grenier, obéissant à sa nature. Mais à force de faire entrer tant de trésors par une porte, au bout de 9 mois écoulés, il fallut bien que quelqu'un sorte. Moi, je sentis que l'exploitation, la domination qui existe, et qui est la source de la propriété privée, et puis qui engendre une domination de la famille et tout ça, bon, ben, c'est ces questions-là qui viennent bien dans le film. Et les gens ne se posent pas ces questions-là tout aujourd'hui, parce qu'ils disent, en 1800, c'était ça, mais aujourd'hui, il y a eu des lois sociales, il y a eu tout ce qu'on veut, il y a eu une évolution. Non, les gens. Au fond, on vit encore avec les structures du 19e siècle, complètement. Oh, ben, c'est sûr que c'est les mêmes. Il n'y a pratiquement rien de disparu. La propriété est toujours là. Puis ça engendre au niveau de la famille un rapport de domination qui est encore actuel aujourd'hui et qui est vécu tous les jours dans les fermes, dans les familles. Les histoires d'argent ne sont pas exagérées, hein, parce que ça existe toujours. Hein. Ah oui. En Normandie, ça a toujours existé dans le temps, mais ça existe encore maintenant. Même ailleurs. On se bagarre pour pas grand-chose, hein, un talus, une haie. Ou... Moins, beaucoup moins. Beaucoup moins que dans le temps, ils aimaient plaider en plus. Ah oui, ils aimaient aller au tribunal pour des bricoles comme ça, des droits de passage. Foucault dit que c'est un drame du droit et que c'est une histoire qui se racine dans l'instauration dans les campagnes au début du 19e siècle du droit qui est né de la Révolution et de la période napoléonienne, c'est-à-dire du droit bourgeois. Et en effet, c'est évident, héritage, territoire, partage de territoire, achat, vente, sont les actes et les faits qui innervent tout le conflit, et aussi quand même la situation de la condition féminine. Mais la femme aussi comme partie, comme objet de ce droit, que l'on cède avec les meubles, que l'on vend. Comme partie de la propriété. Oui, mais d'où c'est venu, c'est toujours les abus créent d'autres abus. Quand il y a une cession. Il n'y avait pas de cession de la propriété avant. C'était le droit d'aînesse. Alors, du jour qu'il y a eu le régime qu'on pouvait partager, ben, on a tout partagé. Ça date à peu près de cette époque, d'ailleurs, l'accession-là. Ben oui, ben oui, c'est de cette époque-là. Si c'est qu'il l'a fait, c'est pour la Révolution. Hein. Eh bien, et c'est pour ça que dès qu'on l'a voulu, ben, on l'a exagéré jusqu'au maximum. C'est mon bien, j'y tiens. C'était la devise qu'il avait dans le temps, les anciens. Et alors, finalement, c'était la mort de la famille telle qu'on le concevait. Oui, puis on partageait, pour que l'autre ne l'ait pas. Vous savez, les excès d'un côté ont été de l'autre côté. Et puis on plaidait pour la propriété. On était si contents d'être propriétaires, vous savez. Alors, c'est comme vous disiez, parce qu'on était très pauvres. Ah ben oui, puis tout le monde ne pouvait pas y être, même si vous n'étiez pas pauvre. Enfin, Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais pour atteindre la propriété, ce n'était pas facile. Alors, demain, il va partager, ben, il voulait partager. Et pourquoi dites-vous qu'on aimait plaider à cette époque? Je l'ai entendu dire, à cause de ça, oui. À cause de ça. À la Carneille, par exemple, vous me disiez que... Il y avait une bonne femme là-bas. Elle a été, il y avait dans tous les cantons un juge de paix, quoi. Enfin, le minimum de justice. Eh bien, toutes les semaines, il y avait énormément de plaidoiries. Il avait du mal à fournir. Hein. J'ai connu une vieille dame... Et à mon tout jeune âge, elle avait été 51 fois, parce qu'il y avait 51 samedi, au tribunal d'instance, enfin, de juge de paix d'Antis, elle a été 51 fois sur 52. Mais est-ce que ce n'est pas un peu parce que finalement, ces gens-là, on n'en parlait jamais, ils n'avaient pas d'existence vraiment, ils n'avaient d'existence que devant un tribunal? Non, c'est parce qu'il avait du bien à défendre. Alors, c'est mon bien, comme j'y tiens, c'est toujours je reviens à la même question. Alors, pour un oui, pour un non, même si on avait un voisin qu'on ne compte pas trop mal, on allait pas le trouver pour transiger. On y avait ce qu'on appelait dans le temps une lettre du juge de paix. Alors, 8 jours après, ou 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y avait du temps, hein, et bien, il allait au juge de paix. Au lieu de s'entendre à l'amiable, c'était le juge qui tranchait parce qu'il n'y avait pas d'éducation. Dans le film, en réalité, ça se passe entre voisins. Dans le film, ça se passe entre mari et femme. C'est à peu près pareil. Mais j'ai connu une femme, autant, enfin, j'ai entendu, à peine connu celle-là. Elle plaidait contre son mari, parce qu'elle avait du bien, le mari en avait aussi, mais pas de la même origine, et il avait un vieux chemin pour aller dans ses champs, et elle avait des champs qui étaient plus près, enfin, il traversait les champs, sa femme, pour aller dans les siens, alors comme il n'y avait pas de droit, elle avait tenté, ça n'a pas eu lieu, mais enfin, ils ont été au juge de paix en conciliation, et il a dit, écoutez, madame, je regrette, mais enfin, vous êtes mariée, vous devez porter votre mari. Ça m'a été raconté, je n'étais pas. Nous retournâmes l'après-midi. À notre arrivée, tout le village sortit au port, et ma mère se remit à discuter. Ce qui est très émouvant, c'est que les personnages, les acteurs paysans, comprennent admirablement le monde et les problèmes de Rivière. Mais pas plus que les gens qui vivaient à l'époque de Rivière, ils n'accordent une très très grande importance au meurtre. Et pourtant, c'est un parricide. Il y a une espèce de contradiction. Là, c'est comme si le meurtre, tout d'un coup, était éclipsé par l'argent, la terre, les antagonismes. Et oui, alors là, on touche à une réalité qui est très, très curieuse, très importante aussi. C'est que finalement, la tolérance des sociétés, je ne dis pas archaïques, mais en tout cas anciennes, la tolérance au crime était relativement grande. En revanche, ce qui était les enjeux importants, ce dont on se préoccupait absolument, c'était les conflits de droits, les affrontements de propriété, les titres de possession, etc. Autour de ça, on se battait terriblement. Le meurtre et ces grands crimes étaient finalement quelque chose de si extraordinaire, relevé d'une dimension tellement haute que on les laissait comme échapper et on les laissait fuir sur leur propre énigme, si vous voulez. Et ça, c'est très clair dans le film de Rivière, l'affaire même de Rivière, dans ce qui s'est passé, puisque une fois son crime commis, de façon très curieuse, il a pu errer dans la région du crime, manifestement vu et repéré 100 fois par les gens de l'endroit, et il n'a jamais été dénoncé. Il a fallu qu'il fasse vraiment des pieds et des mains au sens strict pour arriver à finalement être attrapé par les gendarmes. Parce qu'en fait, eh bien, le crime commis, les gens n'avaient pas à le reprendre en charge. On n'essayait pas de faire participer les gens à la punition même du crime. Mais est-ce que ça tient au fait que les paysans étaient éloignés de la loi et de l'esprit de la loi, ou est-ce que ça tient au fait qu'ils considéraient finalement ce crime comme un malheur supplémentaire, comme une espèce de suicide de Pierre Rivière par lui-même, par ses parents? Je crois que vos deux explications sont vraies et ne s'excluent pas l'une de l'autre. C'est-à-dire que le crime faisait entrer et le criminel et son entourage dans une espèce de région de fatalité absolue, de malheur total. Et dont il était la première victime. Dont il était bien sûr la première victime, et qu'au fond, cette espèce de pouvoir qui venait d'en haut, qui venait de la ville, qui était entre les mains de gens qui n'avaient ni leurs problèmes, ni même leur langage, eh bien cette justice tombant d'en haut, au fond, on ne la comprenait pas bien, c'était un rouage compliqué, une sorte de malheur supplémentaire. Il valait mieux laisser le malheur filer sur lui-même que de le prendre au filet de ce pouvoir qu'on ne comprenait pas. Il est parti par la porte, qui donne sur le chemin qui va au bout. J'ai mis la tête dans la maison. J'ai vu les cadavres. Sa mère, sa soeur. Mon Dieu. Quel malheur, mon Dieu, quel malheur. Norbert Delosier, agriculteur, exploitant de 32 hectares environ. Quoi. Le monde de la loi était intouchable autrefois. Et il appartenait premièrement souvent au seigneur, et etc. Et vous ne pouviez pas le critiquer. Tandis que maintenant, vous apportez, si par exemple vous voyez, s'il y a des lois de changer, ils sont apportés à une certaine évolution de la vie, même de la vie ou d'études statistiques qui sont faites. Et je connais particulièrement un peu ce milieu-là, parce que j'ai des camarades qui travaillent dans ce milieu-là. Eh bien, il y a une évolution importante qui se fait. Si vous voulez, vous avez des lois qui sont changées, même des lois dans la juridiction qui sont changées, parce que par l'évolution et aussi par des constatations. Même juste, ça va jusqu'aux constatations médicales qui sont faites, quoi, si vous voulez. Ah oui. Mais cette espèce de peur, si vous voulez, d'incompréhension de la loi par le monde paysan, maintenant, c'est complètement levé, à votre avis? Oui, puis alors aussi, il y a un niveau d'instruction qui n'était pas à l'époque. Si vous voulez, on faisait un peu la loi du talion, quoi. Tandis que maintenant, ça existe beaucoup moins, quoi. La loi du talion. Oui, dent pour la dent et œil pour œil, dent pour dent, quoi. Si vous... Et vous avez l'impression que l'histoire de Pierre Rivière, c'est une justice qui se rend à lui-même? Non, je crois que c'est lui-même que se croit forcé d'aller jusque-là, quoi. Parce que c'est lui qui... Il juge, d'abord, on en retrouve ce sentiment-là qu'il écrit. Il écrit lui-même le récit de son acte, ouais, et pourquoi il l'a fait, quoi. Un président de tribunal demande toujours à l'inculpé s'il vraiment il a quelque chose à déclarer, si vous voulez. Bon, là, je crois que Pierre Rivière, avec l'instruction qu'il avait, ne se sentait pas assez capable pour répondre à un président de tribunal, quoi. Alors, il a écrit. Rivière n'a pu commettre son crime que parce qu'il avait d'abord décidé qu'il le raconterait. Il n'a pas un rapport direct à son crime. Il n'a pas désiré d'abord tuer sa mère. Il a d'abord désirer écrire le meurtre de sa mère pour pouvoir la tuer ensuite. Donc le meurtre passe par l'écriture. Et inversement, on peut dire que si Rivière a eu pendant un court laps de temps l'éclat qu'il a eu aux yeux de ses contemporains, si maintenant il peut nous revenir, c'est parce qu'il avait écrit. Autrement dit, l'accès au statut de l'écrivain passe par le meurtre. Environ dans le même temps, pendant l'absence de ses parents, il se trouva seul avec la femme Kennel. Son frère avait un jet auquel il était très attaché. On le trouva mort le matin, et la femme Kennel l'accusa de l'avoir tué. Il soutint non. Il réunit quelques enfants du village et alla enterrer le jet. Il mit sur la fosse un écrit « Ici repose le jet Charlot, appartenant à Prosper Rivière ». Il y avait d'autres mots que je ne rappelle pas. Meurtre et écriture sont profondément liés dans l'histoire Rivière. Pour changer de condition, en quelque sorte, il accomplit son meurtre, il écrit son mémoire, et ça n'étonne personne. Le mémoire ne fait pas de lui un personnage exceptionnel, sauf pour nous, aujourd'hui. Si, je crois tout de même à l'époque que le mémoire a été finalement la pièce autour de quoi tout a tourné. Parce que, si vous voulez, rien dans le comportement de Rivière n'indiquerait réellement la folie. Seulement, il a précisément écrit ce mémoire. Le fait qu'un petit paysan, se disant lui-même illettré, écrive un mémoire sur le meurtre de sa mère, le fait surtout qu'il n'ait conçu le meurtre de sa mère qu'en fonction de cette écriture, a paru si bizarre que c'est un certain nombre de médecins et un certain nombre de gens de l'entourage de Rivière, en tout cas parmi les lettrés, parmi les notables, parmi les bourgeois, se sont dit « mais ce n'est pas normal, il y a là quelque chose qui est signé du signe de la folie ». Bon, donc le mémoire, jusqu'à un certain point, enfermé Rivière dans la folie ou permis d'excuser le crime de Rivière par la folie. Mais quand on regarde le mémoire et quand les gens de l'époque ont lu ce mémoire de Rivière, ils l'ont trouvé si éblouissant d'intelligence, si bien écrit, si maîtrisé de bout en bout, donnant des preuves à la fois de lucidité, de mémoire, de présence d'esprit, de capacité d'analyse, tel que ils ont dit « mais ce n'est pas possible, Rivière n'est pas fou ». Et c'est parce que ce mémoire avait cette qualité et cette tenue que finalement on a récusé la folie et qu'il a été effectivement condamné à mort. Et puis après la condamnation à mort, on a dit « Ah oui, mais tout de même, c'est encore quelque chose de tellement bizarre qu'on ne peut pas le laisser exécuter. » Et la peine a été commuée en peine de... Mais je crois que c'est l'appartenance du crime et du mémoire, du crime et de l'écriture au même mécanisme qui a posé la question de la folie et a fait conclure tantôt qu'il était fou, tantôt qu'il n'était pas fou. Les sous-signés, Esquirol, médecin en chef de Charenton, Orfila, doyen de la faculté de médecine de Paris, Marc, médecin du roi, Parizet, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine, Rostand, professeur à la faculté de médecine de Paris, Métivier. Dès le début, il a été traumatisé. Il est intelligent, mais c'est une intelligence qui était, traumatisée. Finalement, le débat Pierre Rivière est-il fou ou pas, ça n'est peut-être, c'est pas le vrai débat du film. C'est un débat qui est sans intérêt, je crois. Oui. Si, pour une raison quand même, c'est que l'on commençait au niveau des procès à se poser la question de la responsabilité de l'individu. Oui, par rapport à la naissance de l'institution psychiatrique, alors qui est un aspect de cet événement qui est longuement analysé dans le livre de Michel Foucault, l'histoire de Rivière apparaît, est une des premières au cours desquelles l'institution psychiatrique naissante dispute à la justice elle aussi le pouvoir de juger de la normalité des individus et le pouvoir elle aussi d'enfermer de décider qu'un homme est anormal et de l'écarter de la vie des normaux comme ça. Et alors sous cet aspect là ce débat je pense qu'on le trouve dans le film, mais évidemment il est un peu réduit, il n'est présent là que par l'impact qu'il a dans le déroulement du récit autour du procès et des arguments qui sont discutés au procès. Ils ont rapporté un verdict de culpabilité et au milieu de la stupeur générale, la cour a prononcé contre Pierre Rivière la peine des parricides. Cependant, effrayés peut-être par l'énormité de la peine infligée à un homme qui de leur propre aveu n'avait jamais joui entièrement de sa raison, les jurés se réunirent et formèrent une demande en commutation de peine. Derrière toutes ces grandes punitions, qui violait la loi violait la volonté du roi, par conséquent, atteignait le roi dans sa force, dans son énergie, jusque dans sa présence physique. Or, la peine de parricide, dans le code civil, était punie en effet de la peine de mort, mais de la peine de mort assortie, comme le régicide, d'un supplément de peine qui était que le criminel, le condamné, devait arriver sur l'échafaud avec un voile noir sur la tête et qu'il devait avoir le poing droit coupé. Ces deux mesures supplémentaires ont été supprimées en 1832. Ce qui a finalement réduit le parricide au régime commun de tous les crimes entraînant la peine de mort. Il y a eu un crime ancien, que c'était le père qui tuait, le fils qui tuait son père, il était en train de pétrir sa porte, mais ça peut être en 1835 peut-être aussi, mais peut-être avant. Et il était surtout, lui, parce que le père, il a laissé ses enfants et sa femme, il avait une maîtresse, il était propriétaire, les autres écrivaient. D'abord, non, lui il s'était marié contre le gré de son père. Et sa mère était morte. Il laissait son fils et ses enfants dans la misère. Lui qui était propriétaire, il ne donnait rien. Il avait une maîtresse. Alors il l'a pris un coup de fusil, mais personne n'allait jamais soupçonner son fils s'il ne s'était pas dénoncé. Oui. Alors ça date de très vieux, ça. On rapporte aussi comme ça de temps en temps des crimes un peu horribles et inexplicables. Et ça vient très souvent dans le monde paysan comme une espèce de chose. Surtout dans ce temps-là. Surtout dans cette heure-là, parce que le monde paysan était fermé. Et il avait une voie toute faite. D'abord par la naissance et la cohabitation, parce qu'il y avait beaucoup de cohabitation. Alors il y avait une loi toute faite, quand on s'en égarait, il y avait toujours des critiques, et puis c'était pas facile. Et ça créait des difficultés, surtout quand il y avait du bien. Mais c'est quand même un acte de désespoir d'un jeune garçon qui ne peut pas continuer à vivre de cette façon. C'est un exemple, c'est exactement ça. Il ne pouvait pas vivre de cette autre façon, et ça le gênait énormément. Ça l'a poussé jusqu'au crime. Michel Foucault, les paysans acteurs du film, enfin les spectateurs aussi, ce sont à la fin du film raconter des histoires en disant oui, tu te souviens, effectivement, il y a 50 ans, il y a un tel qui a tué sa mère. Ça a l'air de faire partie un petit peu de leur fond culturel. C'est-à-dire, ils ne sont pas du tout étonnés par, par ce genre de crime horrible. Comment vous expliquez ça? Mais si vous voulez, je crois qu'on touche là un truc important qui est le fait que le crime et le souvenir du crime et le récit du crime a fait depuis longtemps partie, sinon de la culture, du moins de la tradition populaire. Il existait depuis le XVIe, en tout cas depuis le XVIIe siècle, ce qu'on appelait des feuilles volantes, des canards, c'est-à-dire des petites feuilles isolées que les colporteurs vendaient pour un sou, et dans lequel on racontait des événements extraordinaires, mais la plupart de ces événements extraordinaires qu'on racontait, c'était des crimes. Bon, alors c'est une première raison pour laquelle ça faisait partie des traditions et en quelque sorte de la mémoire populaire. Ensuite, eh bien, dans la mesure où les crimes à cette époque-là, c'est-à-dire à une époque où le système judiciaire, le quadrillage du système judiciaire était beaucoup plus large que maintenant, beaucoup de crimes n'étaient pas punis. Soit que la justice n'ait pas pu prendre les gens, soit que les milieux eux-mêmes aient protégé les criminels, comme il semble que ça soit un petit peu passé, au moins pendant quelques semaines, à propos de Rivière. De sorte qu'à cause de ça, la proximité du crime, la peur du crime, ou la sympathie même pour le criminel, étaient des conduites très fortes, très intenses, et qui laissaient des traces. D'une façon générale, le rapport des paysans à l'illégalisme était très très fort, dans la mesure où, d'abord, l'illégalisme était très souvent une condition de vie. S'ils avaient payé réellement tous les droits qu'ils devaient payer, s'ils n'avaient pas sans cesse volé le curé auquel ils devaient la dîme, le seigneur auquel ils devaient des redevances, je parle de la période qui précède la Révolution française, ils n'auraient littéralement pas vécu s'ils n'avaient pas braconné, etc. Donc l'illégalisme était une condition de vie. De plus, beaucoup des crimes commis contre des gens qui avaient de l'argent, contre des voyageurs qui passaient, contre la diligence, étaient parfaitement compris de la part de ceux-mêmes qui ne commettaient pas les crimes, mais qui avaient très, très difficilement des moyens de vivre, et ces rapines étaient parfaitement comprises. Si on ajoute à cela également que la contrebande était très souvent aussi une condition de vie, vous pensez bien que les gens qui faisaient la contrebande du sel avant la Révolution, et qui vendaient le sel par conséquent moins cher que celui qui était vendu par l'État, par la régie, vous pensez s'ils étaient bénis. Et là, Foucault le relie dans ce très beau texte qu'il a écrit en commentaire du mémoire, qui s'appelle « Les meurtres qu'on raconte ». Il le lie à ce fait que justement c'est à travers des actes de cette sorte, à travers le meurtre, que qu'apparaît le grain, ce qu'il appelle le grain minuscule de l'histoire. C'est-à-dire que c'est par là que des individus qui seraient condamnés à l'anonymat, qui appartiennent au moutonnement infini des actes comme ça indifférenciés, eh bien ils s'extraient de leurs conditions, ils s'affrontent au pouvoir, ils s'affrontent à l'opinion publique. C'est autour, et c'est autour de cet acte de tuer que finalement bascule, se dispute. C'est un lieu où le pouvoir est là, où on conteste le pouvoir. Jour heureux, sainte allégresse, où Dieu s'est fait ma nourriture. Jour heureux, sainte allégresse, faut-il te voir si tôt finir. Pour mesurer l'impact du film, l'impact qu'il a eu sur les gens d'ici, ce sera au moment de l'affaire de Patrick Henry qu'il faudra... Henry, c'est le garçon qui a enlevé un enfant, le ravisseur. C'est le ravisseur, oui. Voir au moment du procès comment les gens qui ont tourné le film réagissent. Parce que vous voyez une similitude entre les deux histoires? Non, il y a vachement de différence, mais maintenant, si on nous présente l'affaire de Pierre Rivière, enfin, celui qui la connaît pas, il réagit... Comme nous pourrions réagir à Patrick Henry. Patrick Henry, oui, c'est ça. Alors que, bon, bah, si on a une explication sur... qu'on connaît ce meurtrier et tout, ses mobiles, puis qu'on le juge différemment, et Pierre Rivière, au premier rapport, on le comprend pas. C'est juste dans le film où quand tu lis le bouquin, c'est là que tu t'aperçois c'est des causes du meurtre. Pour une âme innocente et pure, jour heureux, jour d'allégresse, faut-il te voir si tôt finir ? Faut-il te voir si tôt finir ? Faut-il te voir si tôt finir ? Faut-il te voir si tôt finir ? C'était dans les après-midi de France Culture, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Reportage de Paula Jacques sur les lieux mêmes des crimes et du tournage du film et de sa première projection, avec René Alliot, Michel Foucault et les acteurs du film. Première diffusion sur France Culture le 9 novembre 1976. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».